J'fais le tour de la ville, rebe son derrière vide. 93 c'est la vie, plus de période d'essai. La mort en sachet, Clicos qui défile, gérant à le vertige. Casquette bien baissée, toujours nié les faits. Assume la GAV, bouquet en pas chassé. 10K d'amitié, depuis l'époque du clip. Sur les pas d'histoire clip, la misère au bout du bigo. La misère au bout du bigo, soit la cellule, soit le vito. J'ai préféré les vitres. La misère au bout du bigo, soit la cellule, soit le vito. J'ai préféré les vitres. M'attends pas. On boit un verre sur le toit de la cité. Ce que font les petits, on a décidé. Si le terrain tourne plus, remettre la frappe, mon roi. Elle m'attend pas. On boit un verre sur le toit de la cité. Ce que font les petits, on a décidé. Si le terrain tourne plus, remettre la frappe, mon roi. J'ai fait mon blas sur les bancs de la caisse. Je demande pas d'aide, je préfère vendre la zèbre. Je préfère partager. Le bateau de peuple vient du port d'Alger. On assume la mise, on a tout sur le dos. Pas de mandat, donc ça compte sur le dos. Grosse peine, les roues, elles finissent claustro. Quand les petits viennent, c'est pour crosser le gros. Par ma pas de carrière, quand mon frère m'appelle, moi je déboule direct. Même au bout de la terre, ouais, ça tire dans le tas. Et c'est sauf qui peut, là ça crie à l'aide. Gyrophare et bleu, quand tu touches le dumb, quand ça sent calibre. C'est pas pour le fun, je sais plus ce qui m'arrive. C'est sans réfléchir, pour mon frère j'agis. Je pense à la daronne, je voulais faire ma vie. Elle m'attend pas. On boit un verre sur le toit de la cité. Ce que font les petits, on a décidé. Si le terrain tourne plus, remettre la frappe, mon roi. Elle m'entend pas. On boit un verre sur le toit de la cité. Ce que font les petits, on a décidé. Si le terrain tourne plus, remettre la frappe, mon roi.